La fibre de SFR débarque chez Monsieur Ultra Rapide. Ah, vous savez, nous, on aime quand ça va vite, et avec la fibre à la maison, ça va très vite. Je stream mes séries avant tout le monde, mon fils est le plus rapide sur les jeux en ligne, ma femme écoute de la musique en supersonique, je stream des séries, mais ça, j'ai déjà dit. Ah, et on peut aussi télécharger. C'est le moment de passer à la vitesse de la fibre. Jusqu'au 27 avril, la fibre de SFR est à seulement 15 euros par mois pendant un an, puis 38 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 euros. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de la 5, le fiasco télévisuel le plus retentissant qu'ait connu la France. Un parcours où chaque étape mène à une fin inéluctable, un échec total, emblématique même de ce qu'il ne faut pas faire dans ce pays. Une tentative d'acculturation qui aboutira à un accident industriel et commercial historique sur fond de strass et de paillettes, de séries américaines désuètes et d'informations frénétiques. Ce ratage est aussi celui d'une gauche qui, à l'exercice d'un pouvoir si longtemps attendu, perd ses repères et s'allie avec les plus grandes fortunes françaises de l'époque. Jean-Luc Lagardère, Robert Arsan, Jérôme Sédoux et surtout une fortune italienne, celle de Silvio Berlusconi. Mais que vient faire le chantre de la télé commerciale italienne dans ce montage? Pourquoi celui qui plus tard séduira les Italiens avant de leur faire honte a-t-il été accueilli bras ouverts ici en France pour prendre en main la première chaîne privée gratuite? Tout n'est que contradiction et même provocation dans cette histoire de la 5, chaotique et cathodique, qui nous raconte également les années 80, des années de grande liberté d'expression, mais aussi les années fric, la matrice de l'époque que nous vivons aujourd'hui, celle de l'argent roi et de l'idéologie libérale auquel la gauche française s'est convertie, à laquelle la gauche française s'est convertie lentement, mais sûrement. En seconde partie, nous recevrons François Cusset, historien des idées, professeur et chercheur au CNRS, qui a notamment écrit La décennie Le grand cauchemar des années 80, un ouvrage essentiel pour comprendre ce qui se joue dans cette période décisive. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonob, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Guyen et Jérôme Chélius. À la technique aujourd'hui, Serge Viguier, Lucas Vaillant. Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter. Madame, mademoiselle, monsieur, nous sommes très très heureux de vous souhaiter la bienvenue sur la 5. Oui, François Mitterrand. Il va y avoir en plus des chaînes. 16 janvier 1985. En plus des chaînes, service public, il y aura d'autres chaînes. C'est vrai qu'ils ont mis le paquet aujourd'hui, les hommes de la 5. Opération séduction avec sourire Berlusconi. Je n'ai pas amené Silvio Berlusconi. Ni un Coca-Cola, ni de spaghetti. 22 novembre 1985. Enfin, c'est je suis nom de télévision, il faut faire des coups de théâtre. C'est dégueulasse. Dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Toujours, Arnold et Willy vont se chamailler, mais c'est pour mieux se réconcilier après. Ah, c'est fantastique, il n'y a pas eu un pet. Ah, génial. La 5, 12 avril 1992. Ce 12 avril 1992, c'est la fin, l'écran noir. Pour la première fois dans l'histoire de la télévision, une chaîne privée nationale s'éteint. Plus d'images, plus de sons. Elle laisse derrière elle les cendres d'une décennie très agitée pour la télé française. D'abord parce qu'elle est la décennie de la libéralisation du paysage audiovisuel français sous la houlette de François Mitterrand. Dès son arrivée à l'Élysée, le président socialiste abolit le monopole de l'État et libère les ondes. C'est l'époque des radios dites libres. En fait, libres du monopole, mais pas des puissances économiques qui vont faire main basse sur la FM. C'est l'époque des débuts de la gauche au pouvoir qui voulait changer la vie jusqu'à ce que la rigueur budgétaire, déjà, ne s'impose. En juillet 1984, Laurent Fabius succède à Pierre Mauroy à la tête du gouvernement. On lui demande de prendre en compte les équilibres économiques. C'est le tournant social-démocrate qui ne dit pas son nom, et c'est aussi le début de la fin des idéologies. Dans cette logique, François Mitterrand va ouvrir les portes de la télé au privé, donc aux annonceurs et autres requins du marché de l'audiovisuel. Pour autant, le contrôle de la petite lucarne reste inséparable de l'exercice de l'État. On privatise, mais on espère garder la main. Sous les lambris du pouvoir, on estime que les deux logiques sont conciliables, gérables et doublement bénéfiques. Le 16 janvier 1985, François Mitterrand annonce la couleur. Oui, il va y avoir en plus des chaînes du service public, il y aura d'autres chaînes, des chaînes verticales, c'est-à-dire des grandes chaînes nationales qui passeront les arrangements avec des chaînes locales. Je crois que dans l'ensemble de la France, il doit y avoir place pour 80 ou 85 chaînes locales. Ça peut être l'anarchie. Ça peut être l'anarchie, il faut empêcher l'anarchie, d'où l'importance du rapport Brodin, d'où l'importance des décisions de la haute autorité. Mais quand même... Oui, mais les vrais mots ne sont pas prononcés, ils sont subtilement placés sous quelques métaphores qui ne masquent pas complètement les intentions du président. D'ailleurs, cette déclaration a l'effet d'une bombe. François Mitterrand vient de confirmer la création de deux chaînes, la 5 et la 6. Certes, Canal+ existe depuis plusieurs mois, mais il s'agit d'une chaîne payante, donc finalement hors débat. Le président décide seul sur ce point et contre l'avis d'une grande partie de son gouvernement, où d'ailleurs pas grand monde n'est prévenu. Mais cette initiative s'inscrit dans une stratégie éminemment politique. Il sait, le président, qu'il est en mauvaise posture pour les législatives de mars 86. Il sait surtout que l'une des promesses de Jacques Chirac et du RPR, c'est la privatisation d'une des grandes chaînes publiques. Évidemment, ça compte. La stratégie de François Mitterrand poursuit deux objectifs bien précis. 1. Couper l'herbe sous le pied de la droite. 2. S'assurer qu'en cas de victoire de l'opposition, il conserve un canal de diffusion qui lui soit favorable et surtout redevable. Sauf que le président ouvre la boîte de Pandore. D'ailleurs, après son annonce, les mastodontes de la communication que sont le groupe Hachette, de Lagardère, la CLT, propriété de RTL ou encore Publicis, placent leurs pions. Sauf que tout est déjà réglé à l'Élysée et par l'Élysée. En janvier 85, et sur le conseil de son ami Bettino Craxi, chef du gouvernement italien, François Mitterrand se rapproche d'un certain Silvio Berlusconi. Berlusconi, on connaît, une fortune construite dans l'immobilier, puis une mainmise quasi totale sur les médias italiens. Quelques scandales déjà et des amitiés bien placées. Costume cintré, cheveux gominés et vulgarité en bandoulière, Berlusconi se sent à l'étroit dans son pays. Il veut faire de son royaume télévisuel italien un empire européen. C'est une sorte de César cathodique. Reste que l'affaire n'est pas facile à monter. Pour mettre en place cette télé privée gratuite, il faut convaincre un triumvirat quelque peu improbable. Jean Riboud et Jérôme Sédoux, grands industriels français, et donc Silvio Berlusconi. Or, les deux capitaines d'industrie français ne connaissent pas le matamore italien. Mais il faut aller vite, les législatives approchent et Jean Riboud est gravement malade. François Mitterrand charge son ministre de la Communication, Georges Filliou, de régler la chose. Les quatre hommes se retrouvent dans un petit appartement rue de Bourgogne, à Paris. En un après-midi, l'affaire est effectivement bouclée. Filliou cède quasiment sur tous les points. Les trois hommes obtiennent tout ce qu'ils veulent. Une concession de 18 ans, la publicité à volonté et une protection contre la concurrence. La Haute Autorité, organisme nouvellement créé par François Mitterrand pour contrôler et gérer l'audiovisuel français, n'est absolument pas consultée et n'a pas voix au chapitre. Riboud, Sédoux, Berlusconi viennent de réaliser un coup fumant qui se révélera assez vite fumeux. Soir, BCBG parti. Pour faire échouer des rivaux à leur examen, une seule solution. Lancer des filles bien faites à l'assaut des têtes bien pleines. De télévision, titre Le Canard Enchaîné, une fois rendu public, l'accord déclenche effectivement un flot de critiques à droite comme à gauche. Les réactions hostiles à la cinquième chaîne franco-italienne se multiplient aussi bien dans les milieux professionnels du cinéma et de l'audiovisuel que dans les partis politiques. Le président d'Europe 1, Pierre Barret, qui était partie prenante avec RTL dans un autre projet de chaîne privée, ne comprend pas pourquoi on a exclu d'une initiative aussi capitale tous les professionnels français de la communication, notamment les radios et la presse. L'Association française des producteurs de films et des programmes audiovisuels déplore l'absence de concertation et rejette avec indignation toute mesure qui permettrait d'entrelarder les émissions de messages publicitaires. Le cinéaste Claude Chabrol a envoyé ce bref télégramme au ministre Jacques Lang. Somme atterrée par la cinquième chaîne italienne, comment justifier pareil Henry? Un autre metteur en scène, Bertrand Tavernier, ne comprend pas pourquoi on est allé chercher Berlusconi et il ajoute, fiez-le, on ne confie pas le poste de Robert Badinter à Mémé Guérini. Enfin, Toujours à titre d'exemple, la réaction du chanteur Léo Ferré, qui vit en Italie et qui n'aime pas du tout les programmes de la télé Berlusconi. Léo Ferré au micro de Radio France Périgord. Ce type, il a reconnu, il a bouffé tout en Italie. Il fait, vous pouvez pas savoir ce que c'est. Ah, vous allez voir la télévision en France, parce que tous les gens, en définitive, vont se précipiter sur ce poste, parce que c'est bien fait techniquement, vous voyez. Et puis qu'est-ce qui passe comme truc, puis interrompu tout le temps par la publicité, mais d'une façon honteuse, quoi. Vraiment. Honteuse. C'est dégueulasse. Dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Fait du prince, dit-on. Même au sein du gouvernement, les hommes du président ne savent pas comment se positionner. Jack Lang, notamment, est très gêné par la personnalité et les précédents de Berlusconi, qui a sa part de responsabilité dans la crise du cinéma italien. Les arguments manquent pour justifier cet arrangement surréaliste. La droite promet qu'elle va prendre sa revanche. François Mitterrand est interpellé, notamment par Yves Mourouzi, qui, audacieux, ose le couper et lui inflige ceci. Les télévisions, c'est la même décision. Excusez-moi, monsieur le président, je vous interromps. Il est 54 minutes après le début de l'émission. Je vous propose une page de publicité tout de suite. Chikachoukachou, la zoni. Monsieur, vous disiez ? J'ai à peu près compris, oui, ce que vous vouliez dire. Permettez-moi de vous dire que vous êtes une chaîne public, hein, TF1. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Non. Ah, sauf. Mais de toute façon, régulièrement à Sauf, attraper. Sauf, bien entendu, pour. On a un bon bouclier, il y a le président. Pour engager avec moi un dialogue souriant. Oui. Face aux attaques de toutes parts, Sédou et Berlusconi défendent leur position, s'insurgent contre les a priori et montrent patte blanche. À grands coups de métaphores nationales et gastronomiques. Jérôme Sédou d'abord, Silvio Berlusconi ensuite. La télévision européenne ne doit pas être un repas où on mélange la choucroute, le cassoulet, les spaghettis et les frites, mais ça doit être des plats originaux que on mange dans chacun des pays. La cinquième chaîne est une télévision française. J'ai pas amené ni un Coca-Cola ni de spaghettis. Silvio Berlusconi. Enfin, je voulais le faire, hein. Je suis un homme de télévision, il faut faire des coups de théâtre, certaines fois. Et c'est une chose terrible de prendre des spaghettis avec des coca. Je pense que c'est beaucoup mieux de prendre des spaghettis avec des Beaujolais. Alors, c'est ça. La télévision à laquelle nous commençons à penser, c'est pas une télévision Coca-Cola, c'est pas une télévision spaghetti, ça serait mieux une télévision Beaujolais. Champagne le samedi. Et voilà, la 5 est lancée, the show must go on. Roger Zabel et Christian Morin sont demandés sur la scène. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous sommes très très heureux de vous souhaiter la bienvenue sur la 5. La 5, c'est une chaîne de plus, donc une chance en plus. Ce qui n'enlève rien aux autres, bien au contraire. La 5, c'est un choix supplémentaire, un choix qui existe là, maintenant, depuis quelques secondes. Nous sommes le 20 février 1986, il est 20h30, moins d'un an après l'annonce de François Mitterrand. La cinquième chaîne démarre, en fanfare, bien sûr. Le show est tourné à Milan, dans les studios de Berlusconi. Les plus grandes vedettes françaises sont présentes. Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg, Charles Aznavour, Mireille Mathieu. Quelques stars du petit écran sont là également. Roger Zabel, Christian Morin, Amanda Lear. Quelques, oui. Parce que toutes celles que Berlusconi a sollicitées ne répondent pas à l'appel. La plupart sont dans une position d'attente. Premier accro. Nous sommes en train d'aboucher les collaborateurs, mais tous les collaborateurs qui sont bien travaillent déjà dans une autre côté. Et il leur faut un mois, deux mois, trois mois pour se déboucher. Et puis, quelqu'un demande un peu trop d'argent. Exactement, je ne sais pas pourquoi, mais exactement le double qu'ils sont en train de gagner aujourd'hui. Il y a encore les problèmes des stars. Tous les stars qui sont déjà dans le cœur des Français attendent de voir qu'est-ce que sera la 5, qu'ils ont raison. On ne peut pas demander à des stars d'être aussi des zéros. Et on pense de pouvoir les avoir à partir de la prochaine saison. Eh bien, on fera une télévision avec des jeunes, des professionnels jeunes. La télévision est capable de créer des stars. Si quelqu'un dans ce temps, d'ici au mois de septembre, sera capable de s'affirmer comme une star, le place sera à lui. Même avec ses difficultés, la chaîne est lancée parce que Berlusconi sait ce qu'il a gagné, beaucoup d'argent, grâce à la publicité et au spectacle. Silvio Berlusconi a élaboré une grille scintillante qui, s'il faut en croire la présentation, nous amène tous les soirs au Casino de Paris ou aux Folies Bergères, derrière des caméras qui ne se gênent pas pour dénuder le bas ou plonger dans des décolletés provoquants. Dès 19h30, un jeu, c'est beau la vie. Mais rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui. Tout le monde semble du spectacle, à commencer par le public, et cela durera chaque soir de la semaine jusqu'à 20h30. Puis, lundi, une superproduction internationale, mardi, du fantastique, mercredi, du grand feuilleton américain, jeudi, c'est l'information qui deviendrait spectacle, vendredi, arabesque, la série américaine qui paraît-il a enfoncé Dallas et Dynasty, samedi, des variétés, vive les femmes avec ses promis, les plus belles filles de France, et chaque semaine, bien sûr, Miss 5. Après 22h30, tout est encore spectacle, l'aventure, la science, le sport, la mode, et même la grande musique que Berlusconi n'hésite pas à mettre à l'image, comme nous avons pu le voir avec des extraits de Carmina Burana de Karloff ou de l'Alléluia de Handel. Bref, ça promet. Et les publicitaires, les premiers à découvrir la grille de printemps de la 5, étaient ce matin un peu estomaqués par le rythme et l'extraordinaire ambiance de fête qui se dégageait de cette télé New Look. 30 films français sont encore en cours de négociation pour tenter de rétablir péniblement l'équilibre des programmes à dominante américain. Et les 4 heures de chaque soirée seront rediffusées 3 fois le lendemain à partir de 7h30 du matin, soit 20 heures de télévision quotidienne, avec bien sûr 3 interruptions publicitaires de 2 minutes dans chaque émission. Il faut bien payer les paillettes et le strass. Je laisse pas le tout, vous partez quand sur la 5? Il a les questions. Il a les questions. Mais quelques éléments vont venir compliquer cette belle mécanique. Le problème des stars, donc, qui hésite, le décès de Jean Riboud, et le problème du réseau. Alors que techniquement et dans l'absolu, la 5e pourrait toucher la majeure partie du territoire, au moment de son lancement, elle est réduite à quelques grandes villes. Les installations tardent à se mettre en place. Enfin, les législatives approchent et leurs résultats vont quelque peu bouleverser les pions disposés par François Mitterrand. Parce que la révolution ne sera pas télévisée. La révolution ne sera pas télévisée. La révolution ne sera pas sponsorisée par Coca-Cola, Coca-Cola. En 4 parties à suivre en une seule soirée. Tu ne verras pas les principaux chefs d'État délivrer des messages rassurants à la population en souriant. Tu ne verras pas les principaux responsables du parti de gauche appeler au calme et à la raison. Parce que la révolution ne sera pas. Par une personne ou Yannai. Le générique ne sera pas interprété par Rage Against the Machine, featuring Eminem, Bono et Beyoncé. La révolution ne te rendra pas sexy et attrayant. La révolution ne te donnera pas une belle couleur de cheveux. La révolution ne te fera pas perdre 5 kilos avant l'été. Parce que la révolution ne sera pas. Ne sera pas télévisée. La révolution ne sera pas. Le 16 mars 1986, comme prévu, la droite l'emporte et se retrouve majoritaire à l'Assemblée. Fin du gouvernement Fabius, arrivée du gouvernement Chirac. Première cohabitation de l'histoire de la Ve République. Les nouveaux venus ont une revanche à prendre. Ils commencent par mettre fin à la haute autorité et remplacent cet organisme par la Commission nationale de la communication et des libertés, la CNCL. Et par décret, Jacques Chirac supprime les concessions accordées à la 5 et à la 6. Un nouvel appel d'offres pour le contrôle de la 5 est donc lancé. La droite place son homme, Robert Hersant. À la tête d'un empire de presse, Robert Hersant possède plus d'une quarantaine de titres, des journaux, des magazines, des quotidiens nationaux, régionaux, des titres de la presse spécialisée. Il faudrait plutôt recenser ce qu'il ne possède pas. Et il se trouve que ce monsieur s'intéresse de près à la télévision. Il avait lorgné d'ailleurs sur TF1 lorsque celle-ci avait été privatisée. Alors en toute logique, le voilà candidat pour la 5. Il fait donc alliance avec Berlusconi et c'est doux. Ce dernier prend du recul, mais sur les conseils de François Mitterrand, il reste partenaire. À nouveau, l'appel d'offres est une farce, avec cette fois dans le rôle du candidat fantoche, Jimmy Goldsmith, l'homme d'affaires franco-britannique. Lors des auditions, l'alliance Hersant-Berlusconi fonctionne parfaitement entre engagement sur l'honneur et charme à l'italienne. L'oral pour l'audiovisuel bat son plein devant la Commission nationale de la communication et des libertés. Aujourd'hui, ce sont les candidats à la 6 qui vont plancher en public. Hier, c'était les magnats de la presse qui se sont mis à table. Le tandem Hersant-Berlusconi d'abord et Jimmy Goldsmith après. Le patron du Figaro, comme le patron de l'Express, ont chacun plaidé pour leur chapelle. Pluraliste et informatif pour Robert Hersant, généraliste, populaire et familial pour Jimmy Goldsmith. Une et l'autre prestation effectuée avec talent et conviction, mais Silvio Berlusconi a peut-être joué le joker pour Robert Hersant en apportant une touche d'humour et d'ouverture. Comme vous savez, on a l'espoir de partager avec M. Hersant la responsabilité de cette chaîne, 25-25, au père. Mais pour l'instant, on partage l'émotion 50-50. On a partagé vraiment aussi le coiffeur aujourd'hui pour que nous voulons nous présenter avec une belle mine. Je ne sais pas si on est réussi. Pour trouver la possibilité d'exister, cette nouvelle télévision doit donner des programmes de qualité. Mais il n'y a aucune possibilité d'avoir des programmes de qualité si on ne peut pas partager les coûts de ces programmes avec des autres télévisions privées, être, c'est-à-dire dans un système intégré en Europe. C'est cette alliance qui marque les vrais débuts de la 5. L'ambition d'Hersant est d'en faire une grande chaîne d'information. Il met alors en place une toute nouvelle équipe, dirigée par Patrice Duhamel, constituée de personnalités de l'information comme Jean-Claude Bourret ou Marie-France Cubada, mais il fait émerger également de jeunes journalistes tels, à l'époque, Guillaume Durand. Cette nouvelle équipe a pour mission de créer chaque jour 5 journaux télévisés avec un ton résolument direct et, dit-on, novateur. Et puis la 5 diffuse de nombreuses séries américaines. Les Français découvrent ainsi Supercopter ou Star Trek. Dossier A56-7W, classé top secret. Sujet, un hélicoptère. Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre télévision commerciale. Sa mission, explorer de nouveaux mondes étranges. Les Français vont-ils le supporter? Découvrir de nouvelles vies. Demain soir, l'innocence violée. Et au mépris du danger. C'est pas une télévision, un spaghetti. Reculer l'impossible. Ça serait mieux une télévision Beaujolais. Dans le même temps, Berlusconi et Hersant profitent de l'incertitude entourant la privatisation en marche de TF1 pour débaucher les stars du petit écran. Patrick Sébastien, Patrick Sabatier, Stéphane Collaro. Et les deux dirigeants n'hésitent pas. Ils rajoutent un zéro au salaire de ces têtes d'affiche. Surtout, ils leur laissent carte blanche. Ils pourront créer et produire les émissions qu'ils veulent faire, comme ils l'entendent. Beaucoup d'argent et les pleins pouvoirs, dans ces conditions évidemment, ils cèdent l'un après l'autre. À la rentrée 1987, la France se couvre d'affiches énormes où les nouveaux animateurs, en photo, invitent le public à venir sur la chaîne sous le slogan « Thank you la 5 ». À prononcer évidemment à la française, hein, « Thank you la 5 ». Ne manque plus que le béret et la baguette de pain. RMC, France Inter, mais sur la 5, j'ai rien, moi. Eh ben, allô, bonjour les cons. 20h30, Colari Coco Show avec Fanny Cordy, c'est sur la 5. C'est pas une télévision spaghetti, ça serait mieux une télévision Beaujolais. Mais la folie des grandeurs n'a qu'un temps. Le réseau de diffusion ne s'est toujours pas élargi. Et la 5 n'est donc accessible qu'au pour une petite partie de la population. Mais surtout, le public n'a pas suivi les stars de TF1 sur la 5. Et si certaines émissions rencontrent du succès ou de la reconnaissance, comme le 13h de Jean-Claude Bourret ou le 20h de Guillaume Durand, la plupart des shows sont des échecs. Les animateurs vedettes fuient la chaîne et retournent à TF1. Le déficit est proche du milliard de francs. C'est le début d'une lente descente aux enfers où les alliances d'un jour vont tomber sous le poids des trahisons réciproques. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, vie et mort de la 5, notre invité c'est François Cusset, historien des idées et auteur du livre La décennie, le grand cauchemar des années 80. Nous le retrouverons dans quelques minutes. Printemps 1988, nouveau contexte, nouvelle donne. François Mitterrand est réélu. Michel Rocard s'installe à Matignon. On abroge la CNCL et on crée le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'institution change de nom, mais reste une machine à dire oui. De leur côté, Berlusconi et Hersant se rendent compte qu'ils sont entrés dans un engrenage financier intenable. Berlusconi reproche à Hersant la trop grande place de l'information, coûteuse et pas assez rentable, le pire pour un homme d'affaires. Hersant renvoie la balle à Berlusconi, lui reproche de vendre ses émissions trop chères. La tension monte, l'Italien ressort sa botte secrète, son trésor de guerre, un catalogue de séries américaines. Il tente une approche du côté de TF1, mais l'affaire ne se fait pas. Il imagine alors un plan. Un homme, resté en coulisses depuis quelques années, revient en effet sur le devant de la scène. Jérôme, c'est doux. C'est Berlusconi qui se rapproche de lui. À eux deux, ils rachètent les parts des petits actionnaires pour renverser Hersant au cours du conseil d'administration qui doit se tenir en septembre 89. Le plan est parfaitement pensé, les dés sont jetés. On entend déjà des rumeurs de plus en plus persistantes sur la probable éviction de Robert Hersant de la direction de la 5 au bénéfice de Jérôme Sédou. Berlusconi Sédou s'attaque à la gestion de la chaîne de télévision qui a perdu 1,6 milliard de francs en un an et demi. Si l'offensive réussit, Jérôme Sédou, un grand capitaliste classé à gauche, va ainsi retrouver la présidence de la 5 dont il avait été évincé en 1986 au bénéfice de Robert Hersant. Oui, mais Robert Hersant sent le coup venir. Le matin, il reporte le conseil d'administration au soir. Pendant la journée, il retourne chacun des petits actionnaires précédemment acquis par le duo Hersant-Berlusconi qui se retrouve le bec dans l'eau. La bataille prend alors le terrain des tribunaux. En décembre 1989, Hersant gagne le combat judiciaire. Mais c'est une victoire au goût amer. Le poids des pertes cumulées depuis 2 ans gangrène le groupe. Hersant prend conscience de son échec et commence à organiser son départ. Bien. Mais comment sortir honorablement d'un champ de bataille comme celui-là? Comment trouver quelqu'un pour reprendre la barre de ce navire qui prend l'eau? Reste un homme. Depuis 5 ans, il a tout tenté pour s'adjuger une chaîne privée. Dans la bataille pour TF1, il a été battu. Il n'a pas renoncé, quitte à foncer tête baissée, y compris dans un piège. Ce piège, c'est la 5. Cet homme, c'est Jean-Luc Lagardère. 24 novembre 1990, audience au CSA. Les nouveaux patrons de la 5 sont donc connus. Jean-Luc Lagardère, PDG du groupe Hachette, a obtenu hier du Conseil supérieur de l'audiovisuel de devenir l'opérateur de la chaîne. Silvio Berlusconi reste dans le tour de table des actionnaires à hauteur de 25%, le groupe Hachette passe en lui de 22 à 25% également. Toute une série de banques participe au tour de table, ainsi que Robert Hersant qui ne quitte pas la 5 mais réduit sa participation de 25 à 10%. Derrière ces arrangements comptables se cache en fait une réalité tout autre. Hersant négocie son retrait mais il se débarrasse de toutes ses billes, tout comme Berlusconi, sauf qu'il peut. Lagardère détient donc, dans le plus grand secret, la majorité de la 5, ce qui est légalement interdit. Et dans le même temps, il devient le seul responsable financier. La cinquième chaîne de télévision devient un écran de fumée. Pendant 2 ans, Lagardère essaie de relancer la 5. Les journalistes, eux, et tant bien que mal, continuent à faire tourner la chaîne. Mais la situation devient intenable. Les contraintes réglementaires, les ministres de la culture et de la communication qui déclarent qu'il y a une chaîne généraliste de trop. Ça ne sent pas très bon tout ça. Lagardère maintient le cap jusqu'au bout. Il demande au gouvernement de l'aider. Quelques péripéties plus tard, le 31 décembre 1991, Jean-Luc Lagardère dépose le bilan. Son rêve lui aura coûté la bagatelle de 3,5 milliards d'euros. Catastrophe industrielle. Et le 12 avril 1992... Voilà, dans quelques secondes, dans quelques dizaines de secondes, la 5 va mourir. Je vous rappelle que le combat ne fait que recommencer et que dans les kiosques, dès la semaine prochaine, vous trouverez 5+, qui sera l'organe de liaison avec vous, les téléspectateurs. Patrice. Oui, au début de cette émission, au début de cette veillée qui nous a rassemblés, qui vous a rassemblés, j'ai parlé de tristesse et de fierté. À propos de fierté, je voudrais simplement, avant que cette chaîne ne meure, rendre un hommage particulier au sang-froid, à la dignité, au sens des responsabilités et au panache, on l'a vu ce soir, avec lesquels l'ensemble du personnel et la rédaction, bien sûr, ont travaillé depuis la mi-décembre, depuis que les difficultés que vous connaissez ont commencé. Je voulais rendre cet hommage, je crois que c'était utile, à l'ensemble du personnel. Merci, bonsoir. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est par ces quelques gouttes d'eau, cette musique lancinante et une éclipse de lune que s'achève l'histoire de la 5e, première chaîne de télévision privée et gratuite, première chaîne à couper l'image et le son en direct. C'est un moment très triste pour ces hommes et ces femmes qui y croyaient, ces professionnels qui ont travaillé, qui se retrouvent sur le quai. La 5 aura beaucoup innové finalement, à ses dépens. Elle aura cumulé des scénarios inédits dans l'histoire de la télévision française, tous plus funestes les uns que les autres, d'où sa mort. Mais cette histoire est également porteuse d'une morale. Elle a montré que le concept d'exception culturelle française avait un sens. C'est pour l'avoir oublié que la 5 n'a pas survécu. On m'appelle la télé, la montreuse à tout va. Avant de faire le trottoir, je me l'écaille sur les toits. Je suis pas grand chose de bien, c'est sûr, mais ce qui me gêne, c'est leurs jeux interlopes qui me luxent les antennes. J'ai un gars qui est direct et l'autre qu'on nomme playback, et tout ça se pellicule et tout ça se met en boîte. Mais les clients sérieux, c'est pas qu'ils m'embarrassent, et pour pas faire d'envieux, je me les fais face à face. Et pour pas faire d'envieux, je me les fais face à face. On m'appelle la télé, la montreuse électrique, et je suis comme une morphine qu'endort la République. Quand il y a des pinailleurs qui me soulèvent des problèmes, sur qui ou quoi ou qu'est-ce, je leur dis jugez vous-même. Un ministre à l'année que le trottoir indispose, entre deux cabinets, fréquente ma télé close pour les yeux affamés qui vont chercher fortune dans mon lit à colonne. Je peux leur montrer ma une dans mon lit à colonne. Je peux leur montrer ma une. On m'appelle la télé de la photo cavaleuse sur mon trottoir là-haut. Je me sens toute transisteuse, tout comme les filles publiques qu'ont leur jour de sortie. Moi, pour prendre un coup d'air, faut que je me tape le rubis. Des fois, je suis comme les grues qui font du sentiment. Je fais pas payer trop cher et tout le monde est content. Des fois, je suis pas causeuse, c'est quand j'ai mes affaires. Alors je dis barca et je prends le frais, mon petit père. Alors je dis barca et je prends le frais, mon petit père. Alors je dis barca et je prends le frais, mon petit père. Affaire sensible aujourd'hui, vie et mort de la 5. Notre invité, François Cusset, historien des idées, professeur et chercheur au CNRS, qui a notamment écrit « La décennie, le grand cauchemar des années 80 ». Bonjour. Bonjour. Et vous venez de diriger, vous n'avez pas écrit vous-même, vous avez dirigé une publication, un livre qui s'appelle « Une histoire critique des années 90 » aux éditions La Découverte et Centre Georges Pompidou, éditeur également dans le cadre d'une exposition, hein, c'est ça? Voilà, une grande exposition au Centre Pompidou-Metz qui a lieu jusqu'au au printemps prochain. Alors, en quoi cette histoire que l'on vient d'écouter, cet épisode de la 5, est-il symbolique, à votre avis, de la décennie des années 80? Alors déjà, dans les rapports entre le pouvoir, l'État et la télévision, et on pourra peut-être élargir ensuite à ce que j'appelais, à tort ou à raison, les années fric. Mais d'abord, État, télé, pouvoir. C'est emblématique, mais c'est emblématique en version trash, un peu exagérée, outrancière, j'ai envie de dire méchamment. Cette histoire de la 5 est à la décennie 80, ce que la pornographie est à l'amour. Vous voyez, une version un peu criarde et un peu exagérée. La chose qui m'a frappé dans le reportage, et je l'avais déjà vu en suivant l'affaire, en faisant mon enquête, c'est à quel point la 5 est une personne, est un personnage. Pourquoi ? C'est la première fois qu'une télé, finalement, parle d'elle beaucoup plus que de ses programmes, puisque ce feuilleton interminable qui dure 5-6 ans fait de la 5 le personnage de l'actualité, et non pas ce qui s'y passe, enfin les programmes un peu trash que l'on sait. Elle est au départ une sorte de mariée qu'on habille et déshabille, avec plein d'accoutrements différents, et devant laquelle défilent effectivement les grandes fortunes de l'époque, avec des personnages là aussi, excusez-moi, mais plus qu'outrancier. On les a entendus. Voilà, entre Robert Hersan et Silvio Berlusconi, on peut pas imaginer un tandem pareil. Enfin, je sais pas, c'est l'alliance, on va se taire, mais voilà, du pire et du pire. Voilà. Donc il y a ça, et il y a effectivement ce phénomène très étonnant. Alors là, c'est comme la prosopopée dans les poèmes épiques, quoi. C'est quand, tout à coup, la chaîne devient une personne qui meurt en direct, donc qui meurt comme un organisme vivant. On verse une larme, effectivement, et de fait, il y a un organisme vivant, parce qu'il y a quand même des employés. Qu'il faut quand même juste rendre hommage et une forme de respect pour ces femmes et ces hommes, je le disais, qui ont vraiment travaillé sincèrement. Ils y croyaient, ils se sont retrouvés sans travail, les uns n'ont pas retrouvé de travail. Je me souviens, moi, de cette soirée, la dernière soirée, je l'ai découverte en tant que reporter, et il y avait une vraie tristesse, quelque chose de dur, qu'on ne souhaitait pas pour ces gens-là. Voilà, parenthèse refermée, faut vous le dire quand même. Non, mais c'est essentiel, parce qu'effectivement, il y a non seulement un échec industriel délirant, enfin, c'est l'époque où on n'hésitait pas à perdre des dizaines de milliards, effectivement, mais il y a aussi l'échec d'une véritable utopie. Parce qu'en fait, il faut replacer, je crois, cette histoire dans le cadre plus large de la télé, le pouvoir et le marché. Et la décennie des années 80. Ouais, dans les années 80. Et de fait, alors on peut, en ironisant un peu, dire que la gauche sortie de 68 et des années 70 ne veut plus faire la révolution sociale, à peine la révolution culturelle. En revanche, elle est bien engagée pour faire la révolution médiatique. Elle a bien décidé de le faire, que ce soit le Serge Julie du Libé avec pub du début des années 80, ou que ce soit les socialistes arrivant au gouvernement et lançant des réformes majeures dont sortiront TF1 privatisé, la 5, la 6, etc. Ne pas oublier là qu'il y a quand même quelques étapes symboliquement fortes. La création de la Haute Autorité de l'Audiovisuel en 82, même si elle est effectivement un peu le chien-chien du pouvoir, elle signifie quand même très officiellement la séparation de l'État et de la télévision, comme c'est la huissière de l'Église et de l'État. Donc voilà, elle signifie qu'il y a... Et aujourd'hui encore, d'ailleurs. Voilà, c'est le CSA joue ce rôle-là. Donc il y a quand même cette scission-là, que Mitterrand ne cache pas, d'ailleurs, hein, qu'il est clair que, quelque part, il y a un transfert d'énergie. C'est-à-dire que l'énergie subversive et révolutionnaire qui voulait l'égalité sociale dans les années 70, cette même énergie fait une télé humoristique sur Canal+, des provocations en une de Libé, et donc n'hésite pas à faire du strass et des paillettes sur la 5. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a pour moi un transfert d'une énergie politique ou sociale dans une énergie médiatique débridée, quoi. C'est ça que ça incarne. Et dans une décennie qui incarne aussi quelque chose, on y reviendra. Alors malgré tout, lorsqu'on regarde tout cela avec un peu de recul, aujourd'hui il semblerait que la 5 avait quand même pris, alors dans le positif, positif ou négatif d'ailleurs, en tout cas elle avait pris un temps d'avance, une forme de modernité avec l'interactivité avec le public. Alors, on va écouter une archive qui l'atteste et puis on en reparlera ensuite. 3615, la 5, c'est la 5 à votre écoute. Sur son Minitel créé spécialement pour vous, la 5 vous écoute, vous répond, vous renseigne, vous dépanne. Vous voulez intervenir dans le journal télévisé de Jean-Claude Bourret. Tous les soirs, 20h, la question Minitel. Donnez votre avis en direct dans les journaux de Guillaume Durand et Marie-France Cubada. 3615, la 5, le Minitel qui ne s'éteint jamais. Alors, faire participer, quand un média fait participer ses téléspectateurs ou ses auditeurs, c'est négatif ou positif? C'est parce que ça dépend de la façon dont on le fait. Mais on voit bien qu'avec la 5, il y a peut-être une préfiguration de Twitter, de Facebook, on fait participer. Ça devient une espèce de réseau social. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, à votre avis? En l'occurrence, pour le pire. C'est-à-dire que c'était ce qu'on a fait. Enfin, il y a beaucoup de mépris, je crois, aussi de l'audience et même du peuple plus largement dans cette affaire. Mais c'est sûr qu'ils ont, de façon très démagogique, joué sur ce thème de l'interactivité. Alors, souvenons-nous, c'est les années Minitel. La France a, les historiens le reconnaîtront peut-être un jour, une avance délirante sur la future expérience de l'Internet, puisqu'on vit ça, ça dans nos foyers. Bon, ça va être un échec, là aussi, retentissant. Sauf que si on se penche un peu sur le détail, la différence entre un Minitel et une télé... La télé n'est pas interactive, en tout cas ne l'est pas encore. C'est-à-dire que la 5 aurait été une grande pionnière si elle avait, inventé la télé-réalité, fait le Love Story qu'on aura quelques années plus tard. Enfin, vous voyez, cette forme-là, encore plus démagogique, d'apparition du peuple en héros, anonyme. En l'occurrence, ce qu'elle fait, c'est plutôt, les appels, les interventions de gens inconnus sur des plateaux, et le fait que, par un populisme un peu pestilentiel, on n'hésite pas à faire venir, des gens de la France d'en bas, comme on dit, sur ces plateaux. Strass et Payette. Il y a plutôt là-dedans, effectivement, un mépris, pour moi, très très profond. Et un mépris étonnant, c'est-à-dire que les gens qui font cette télé-là, non seulement méprisent l'audience à laquelle ils la destinent, mais se méprisent eux-mêmes en train de faire cette télé-là, puisque ce sont souvent, c'est l'élite française, voire italienne, mais enfin, qui a d'autres références, qui fait beaucoup d'autres choses, qui pèse sur la politique, et qui sait très, très bien qu'elle est en train de déverser des déjections en espérant que elles auront le succès qu'elles n'auront finalement pas rencontré. Alors, toujours pour le meilleur et pour le pire, la 5 innove quand même. Le ton des journalistes, par exemple, eux, sur la 5, ils se tiennent debout, ils s'aident de cartes, d'infographismes. Ça aussi, c'était quand même assez nouveau. Et on retrouve ça dans n'importe quelle télé, notamment d'information continue aujourd'hui. Donc, elle a quand même été novatrice, cette 5, sur les formes télévisuelles. Alors, il faut voir aussi ces deux influences. C'est une chaîne, c'est un format télévisé italo-américain, vraiment. Alors, enfin, pas au sens de Martin Scorsese, mais au sens où il est à la fois italien, donc avec ses fameuses émissions de plateau d'un mauvais goût absolu, mais qu'on peut éventuellement regarder au deuxième degré, avec un côté un peu kitsch, les décors de colonnes romaines et les soubrettes très très courvêtues, et tout à fait américain, au sens où là, effectivement, il y a une avance sur ce qu'est la télé en Europe à l'époque, puisque la télé américaine de l'époque, c'est le câble, c'est l'info en continu, le sport en continu, et les prémices de la télé-réalité. Donc effectivement, elle s'inspire de ces deux modèles-là. Faut croire que leur rencontre, enfin le cocktail, il y a eu un précipité, il s'est pas bien mélangé, ça n'a pas fonctionné. Mais effectivement, les deux sources sont les sources les plus avancées de la télé commerciale de l'époque. Et aussi, alors, la télé d'info continue qui nous montre aujourd'hui une sorte de série, un événement pendant 24 heures, voire 48 heures, n'a pas toujours des choses à dire. Et je me souviens de la première guerre du Golfe, couverte par la 5, la guerre en direct, et ces journalistes qui arrivaient et qui auraient dû nous dire « Mesdames, messieurs, j'interviens, mais j'ai rien à vous dire ». Bon, évidemment, ils ne pouvaient pas le dire. Il aurait fallu beaucoup d'audace et beaucoup de courage. Là encore, la 5 pose les jalons d'une télé qu'on retrouvera aujourd'hui. Oui, non seulement sur la guerre du Golfe, rien à dire, mais rien à montrer, souvenons-nous. C'est-à-dire que les images de l'armée américaine étaient en fait des écrans noirs avec un petit flash vert. Donc effectivement, là aussi, on aurait pu imaginer une ironie, un détournement, enfin, ce qu'on fait d'ailleurs. Oui, il ne faut pas oublier un truc, ça j'y pense tout à coup. C'est-à-dire que on est en train de déverser effectivement tout notre fiel contre la télé de cette époque. Mais elle a eu aussi, parce qu'elle était en pleine métamorphose, la télé, ses audaces, des vraies innovations dans les interstices, c'est aussi les années où on fait les prémices de la future chaîne franco-allemande qui à l'époque est la 7, mais c'est aussi l'époque des droits de réponse que Francis Bouygues rachète en TF1, va évidemment annuler l'émission très très libre de Michel Pollack. Donc voilà, il y a un peu de tout. De ce point de vue-là, la 5 aurait pu glisser son avantage et être un peu plus audacieuse qu'elle ne le fut. Alors, en 1986, au début de la 5, on regardait la télé, mais on écoutait aussi de la musique, et on écoutait la radio, et à la radio passait notamment Prince, Kiss. You don't need experience. kiss. Prince Kiss, quand même très haut de gamme, avec cette guitare en fond, vraiment, vraiment efficace. François Cuisset, je vois que vous appréciez également. Je rappelle que vous êtes historien des idées, que vous avez écrit sur les années 80 et sur les années 90. Alors, cette histoire de la 5 montre donc l'arrivée de Berlusconi en France. C'est quand même un mariage très improbable, Berlusconi et la France de gauche et la France de François Mitterrand. Est-ce que c'est l'un des symboles de ce qu'on pourrait appeler la fin des idéologies? Alors, la fin des repères idéologiques. Il y a peut-être une fin des repères, mais sûrement pas une fin des idéologies, parce qu'on pourrait résumer cette décennie animée, tonitruante des années 80, en disant que c'est la décennie d'un coup de force idéologique majeur, assez inédit en fait, qui consiste d'abord à faire croire à la fin des idéologies, c'est-à-dire déclin de la gauche, réalisme de gauche et bientôt chute du mur de Berlin, donc il n'y a plus d'alternative, donc il n'y a plus qu'une seule façon de faire, qu'un seul système, enfin c'est tout l'argument néolibéral qu'on a jusqu'à aujourd'hui, voilà. Donc c'est un rouleau compresseur et derrière l'idée qu'on serait enfin libre justement de faire une bonne télé, des bons journaux puisqu'on a, on n'a plus de polarité politique, il y a l'inverse, il y a au contraire la destruction, la dévastation d'un des pôles, qui est un pôle de gauche, social, enfin du peuple à l'ancienne, quoi, pour le remplacer, bah, peut-être, effectivement, par le tandem Ersan-Berlusconi. Donc, c'est l'emblème d'un coup de force idéologique qui est celui voulu, quand même, très délibérément par les socialistes au pouvoir. Cette affaire est quand même la leur. Alors, on pourrait relister toutes les dates, moi, sur lesquelles je suis tombé. L'ouverture de la Bourse de Paris au marché financier, elle est faite en 84 sous Fabius et Bérégovoy, etc. Enfin, tout ce qui se passe, qui sont les étapes comme ça de la néolibéralisation de la France, si vous voulez, c'est pas pendant la cohabitation, c'est pas sous la droite, c'est sous la gauche. Il faut vraiment rappeler ça. Donc, effectivement, on peut toujours accuser aujourd'hui, la gauche d'aujourd'hui, de tout trahir, mais c'est une très vieille affaire. Ça fait 30 ans que le débat est lancé. Et pourquoi la gauche prend ce tournant-là à ce moment-là? Parce qu'elle est entourée en Europe de pays qui se sont déjà convertis aux idées libérales. Je pense à la Grande-Bretagne, cheval de Troie de Reagan, l'Américain. Mm-hmm. Donc, parce que la France ne peut pas rester non plus isolée comme ça dans une Europe qui s'est convertie à ce diktat libéral. Oui, alors on pourrait avoir une sorte d'ironie un peu structurelle, c'est Google Earth, quoi, et dire qu'en fait, pour que la France se convertissent aux mêmes doctrines et aux mêmes marchés du travail hyper précarisés que l'Angleterre, par exemple. Mmh. Il ne lui fallait pas une Thatcher avec son bâton, mais il lui fallait un Mitterrand avec sa roublardise de tonton, quoi. C'est-à-dire qu'il a fallu faire ce détour par l'illusion d'une gauche. Enfin, l'illusion, on a un an et demi de mesure majeure entre 80 et 83. Mais enfin, on a un tournant dont tout le monde se souvient au moins pour l'avoir lu des livres d'histoire, et au terme duquel la France va finalement faire la même mue que les pays beaucoup plus à droite qui mènent cette révolution conservatrice dans le monde entier, comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Donc on va effectivement dans le même sens. Alors pourquoi elle fait ça? Pour rester au pouvoir. Enfin, la logique politique veut qu'on ne soit à cette époque déjà, comme aujourd'hui, que tourné vers la prochaine échéance électorale, c'est tout. Et il faut des personnages aussi qui incarnent ça dans une sorte d'alliance, là encore, je pense à l'alliance François Mitterrand-Bernard Tapie. Bernard Tapie, partie prenante dans la privatisation de TF1, il apporte ce nouveau registre de valeurs, c'est l'argent décomplexé, c'est l'argent assumé, et en plus avec une étiquette de gauche, Tapie. L'argent pour moi c'est mon unité de mesure. Le sportif c'est le chronomètre, et l'écrivain c'est le prix Nobel. Moi c'est l'unité de mesure, c'est celle qui fait qu'à la fin de l'année... Je sais si j'ai gagné, si je suis bien, si je suis moyen ou si je suis pas bon. Ça, c'est un métier extraordinaire pour ça. C'est que ceux qui, paraît-il, seraient bons mais qui perdent, pour moi, c'est la sentence. C'est la récompense ou la sanction. Donc pour ça, l'argent pour moi est un facteur extraordinaire et qui doit être le facteur qui m'anime. Puisque ma fonction première, c'est de gagner. Je peux pas être désintéressé. Et vous gagnez combien, par exemple? Vous servez combien? Beaucoup, beaucoup. De l'ordre à 1 million par an, un peu plus. On compte pas comme ça, puisque je suis en société en nom collectif. Oui, c'est-à-dire que mon patrimoine, c'est ma poche, et ma poche, c'est mon patrimoine. Bah, vous vivez sur un train de vie combien? Un train de vie combien? D'un million et demi par an. Un peu plus. Vous n'êtes pas plus franc que les Français sur votre feuille de paie. Si, puisque j'en ris. voilà, pas nous, pas tout le monde en tout cas. C'est des émissions comme Vive la crise, vous voyez, de Vive la crise, hein, ce show télévisé des années 80. Qu'est-ce qu'elles nous disent finalement sur les années 80? Et prolongement de la question, c'est quoi les grands marqueurs de cette décennie 80, au-delà de ce qu'on vient d'aborder? Bah, des émissions comme celle justement que Bernard Tapie avait en 86, s'appelle Ambition, où oui, en fait Ambition, un inconnu doit créer une entreprise en direct par téléphone sur un plateau télé. Ou l'hallucinant Vive la crise, alors concocté par tout un ensemble de gens, depuis Libération jusqu'à des gens de Sciences Po, présenté par Yves Montand, donc en 84, et qui en gros dit la même chose que, comment dire, que tous les organes de propagande libéraux et néolibéraux de l'époque, mais de manière beaucoup plus distrayante, qui est qu'on n'a pas le choix, qu'il n'y a pas d'alternative, qu'il faut aller dans ce sens-là, et même qu'une crise, c'est une très bonne chose, parce que ça nous force à nous serrer la ceinture, hein, on va faire un petit régime, à nous débrouiller, à nous adapter, à être des individus épanouis et entreprenants, qui est ce que voilà, l'époque veut qu'on soit. C'est une émission délirante. Si on la revoit aujourd'hui, elle est sincèrement plus propagandiste, y compris dans le jeu théâtral assez mauvais qui s'y joue, que, je sais pas moi, que le journal télévisé soviétique. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'elle est... Donc, alors après, on va parfaire nos instruments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la propagande passe de façon beaucoup plus subtile, sans doute. Mais voilà, l'époque Tapie, Julie ou Francis Bouygues est une époque finalement sans garde-fou, où on dit ces choses-là de façon assez obscène et sans pincette. Donc elle est très intéressante pour l'historien, pour l'archiviste, quoi. Oui, ça c'est l'illustration peu recommandable de quelque chose qui est beaucoup plus recommandable quand même. On n'a plus que 20 secondes. Les années 80 sont des années de liberté d'expression forte quand même, hein. Oui, enfin le problème c'est que la liberté d'expression a été indexée sur la liberté de consommer, c'est-à-dire qu'on aurait bien aimé que ce soit une autre liberté. Bien, en tout cas merci François Cusset pour vos éclairages et ce retour sur les années 80, dont vous êtes un spécialiste puisque vous avez beaucoup travaillé, vous avez sorti un livre et donc aussi un livre sur les années 90. D'ailleurs à ce titre, nous vous recevrons peut-être dans quelques mois à propos d'un fait des années 90, on élargira avec vous, donc je vous dis merci, à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.